sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Aujourd'hui, l'émission Trihand Père à Trihugen. C'est ça, Henri? Voilà, Trihand Père à Trihugen, 364. Alors, quel mot on voit aujourd'hui dans Gary Warjoui? Oui, alors aujourd'hui, j'ai pensé que parler d'un adjectif qui est un peu, enfin c'est pas un néologisme puisqu'il existe dans la langue depuis très longtemps, mais on l'employait pas beaucoup autrefois. Moi, je l'ai jamais entendu quand j'étais jeune, et maintenant dans le breton d'aujourd'hui, c'est assez souvent employé. C'est bresque, bresque qui veut dire fragile. Alors c'est un mot qu'on trouve aussi dans les autres langues celtiques. On le trouve en gallois, on le trouve en gaélique. Et il correspond en fait au français fragile, cassant, friable. Avant, les gens, les choses étaient costauds peut-être. Oui, on disait pas. Il y avait plusieurs termes qui se rapprochent. Par exemple, on disait torus, hein, qui est capable de se casser. Hein. Torus ou torrable aussi. Mm-hmm. Pour les plantes, on disait tenor, hein, tendre, quoi, par exemple. Une des plantes fragiles, quoi, ténor, hein. Alors, on disait aussi souvent dister, par exemple, pour quelqu'un qui a une santé fragile, dister et hierad. D'ailleurs, c'est l'exemple que donne André Mercier dans son dictionnaire. Dister et hierad, donc, il a une santé fragile. Et puis, il y a aussi toujours un mot que j'aime bien, un adjectif, c'est just. Just, oui. Just, c'est quelque chose qui est fragile, qui est frêle, voilà, just. Et ça s'utilise pour... Pour beaucoup de choses, hein, à la fois pour un objet, pour... par exemple, un objet qui serait pas d'une très grande qualité, hein. Vous voyez, un dras est just, hein, donc qui va se casser facilement à l'usage, quoi, qui va pas être forcément très durable. Et puis, mais ça se dit aussi pour une personne, hein, quelqu'un qui est un peu fragile... Voilà, just. Alors, pour revenir à bresque, on l'emploie dans tous les sens de fragile, hein, par exemple, bresque et velguer, hein, fragile comme du verre, quad bresque aussi, hein, du bois qui se casse facilement. On va l'employer dans le domaine des idées, par exemple, on va dire bresque et une économie, hein, l'économie est fragile, hein, voilà. Alors évidemment, à partir de là, on peut faire par exemple le verbe, hein, brescat qui serait fragiliser, hein, rendre fragile. Hein. Donc, toujours pareil, on prend l'adjectif et on met AAD derrière et ça fait un verbe. On peut le faire avec à peu près n'importe quel adjectif. Voilà, alors on peut faire des substantifs, hein, par exemple brescadurus qui veut dire la fragilité. Alors comme c'est un mot féminin, il va y avoir une mutation, ça donne brescadurus, donc ça peut, il peut y avoir une confusion avec la fraîcheur, donc c'est pas forcément facile à employer. Et puis de toute façon, le breton n'aime pas les substantifs trop longs. Je pense qu'il vaut mieux essayer de tourner la phrase autrement et de revenir carrément sur bresque, hein, pour dire pour cerner quelque chose qui serait fragile, quoi. Voilà. Alors il y a aussi bresque dead, hein, fragilité, ou breakster, hein. Bon, il y a pas mal de, mais c'est pas tellement dans la langue courante. Déjà, presque est pas très utilisé. Et les substantifs dérivés, en plus. Alors, quand j'ai rencontré ce mot-là, il y a pas mal d'années maintenant, je m'étais dit, c'est bizarre, vraiment, j'avais jamais entendu ça, et j'ai jamais trouvé ça dans des textes, par exemple, dans les vieux textes de cantique et tout ça. J'ai jamais trouvé, hein, dans les cantiques, on dit souvent dister, hein, pour quelque chose de fragile qui est, voilà, sur le point de disparaître ou qui est menacé, dister. Hein. Par contre, alors on emploie ça, cette racine-là, on la trouve dans un verbe qui est bresken. Ici, on prononce souvent brechen, hein, qui correspond, alors qui veut dire s'emballer, s'affoler, s'exciter. Et c'était surtout utilisé pour les vaches, hein, qui en été là, quand elles sont piquées par les temps et qu'elles se mettent à courir là. Bon, donc brechen rausaugen, hein, ça c'est la même racine, hein. C'est-à-dire, en fait, c'est une racine qui exprime quelque chose d'instable. Mm-hmm. Donc les vaches hein, vont s'exciter, s'emballer, hein, brechen raus out. Il paraît qu'elle même en français on dit brechner, hein, comme ça quand les vaches s'excitent. Hein. Alors le participe passé breskened, hein, qui veut dire exciter quoi. Alors ça s'employait pas beaucoup pour les êtres humains, hein, sauf pour ironiser un peu hein, quand on disait des gens brechen rein, c'est se comporte comme des vaches en fait quoi. Mais je trouve ça assez amusant. Je trouve que c'est pas mal de dire brechen hein, pour des gens qui s'excitent un peu quoi. Par exemple des hommes politiques, hein, brechen rein, ce serait pas mal. Voilà. Et puis Just, hein, je reviens sur cette idée. Hein, Just hein, qui vraiment traduit l'idée de fragilité. Hein. Alors évidemment hein, c'est un adjectif donc on peut utiliser pour fragiliser Justad. Hein, ou mon war justad, c'est-à-dire devenir plus fragile, quoi. Et bon, ben, je pense que on a consolidé un peu l'idée de fragilité. Voilà. Alors une autre fois, on verra le contraire, hein, comment on traduit la solidité au contraire. Très bien, Henri. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Seconde partie de Interbrezhoneg, Brezhoneg temps à temps, avec toujours notre Chandic là, qui est parti faire un reportage sur le cidre avec Iwan. Voilà. Iwan Nango, non, comment c'est celui-là? Iwan Dantek. Dantek. Le Scarblay. Oui, qui est le producteur de cidre de Zantolok. Hein. Voilà. Alors, la dernière fois, je crois qu'elle venait juste de rentrer dans le pressoir et voir un peu comment ça se passait. Et là, ils sont en train de voir un peu la fabrication, quoi. Ah, Petra Vegret Ganner, Juk, Iwan. La côte veille en balouer you dir de vervin, dondera un tog waleng a gahor ya de trou, goudezé, vela que der gis clair balouer you el de beur vervin. A poézet ve un gis vechon amza? Ya evel just, a peve eru ar poéz wardro mil pemzek, vela que bavouta yo, a dou viz waler ve pres de verzan. Dabiou ve gwerzet argiste? Oh, beur psor mod ve gwerzet, dondera tut de glas gaman. Hendel veguerz bastalio krampus, met de tadoye vos chopinat chanik? Damp de anyone, damp. On va reprendre, Henri, ce petit dialogue pour ceux pour qui ça a été peut-être un peu trop vite. Ouais. Entre Chanik et Iwan. Chanik demande à Petra Vegret Gandarchuk, Iwan. Oui, alors Petra Vegret Gandarchuk, qu'est-ce qu'on fait du jus, hein? Voilà, le jus de pomme.

C'est tu, Eri, Petra zo neve ar vro. Ben, kal se draou zo neve ar vro bou ar vej di ouzan. Krogom de dientan evel kustum gant al ar bourdouar hag ar vu e war ar mez. Eom bremañ ba miz eo du, velvel ar vam breiz al ar ede, fin en disk ar amzer, ade o tientan ar gouan, miz du, miz tierzu. Mi blij tin ar mar eman, go bon mar e ar kistin, neus ket kal se gistin blam me met. Plij juze, ne ket daï gouan kal ad roaz, e moyen zo devar le roaz, hag a ze zo plij juz, hag a liz ve plij juz an amzer. War ar bet dre vraz ve komp ze kal ze ur mar eman hag o rog aso evel juz de ze nein kaden, pe ze se riz ma peus oan. Hag pepini e glask louzeil ar evel, juz evit mont mez eus stad falze. War dach en el ar bourdouar e mam eus kont, ur mar eman ve komp ze kal de skuden ou a produer yon mor, hag de skonverz a mor benefin pez velaret filier porcin gant un du de skian evel juz. Hag evel just zo kaz draou a ya valoar an draze, pe dur priz o maloar, pene fin, med priz bouet mor zo edo a ro kaz, pe dur ba bouet mor gouderet ve kaz edo, hag nedo zo et kaz war ro. A setu, bon, zo kaz gude nou ganze gant priz o mor. Gant priz o mor hag priz bouet mor. Hag eus talioù implij kig mor, fel enaf zo hant vant mord, ma pouldreuz igare, da skouer alar in krouget benefin tre broduerien hag verzerien. Hag evel just, ur zevel mor zo e bouez evit ekonomi ez breiz, hag kalz dud zo vevant diwar la borze. A spi e meus voka vant me meustra dis kloumo, evit kaz an trao war o war an tach en ze. Mesken trevado eve zave de breiz, un trochet ba mis her e a waler, eman Pinochet. Pez ne ke an arve kaz gant un dut. Goudret petare Pinochet, zizo velad in galag epinar. Hag Pinochet zez veget kaz de se breiz, pez velad an arve no ek gwal an arve, deus mis her e bet amizebel ved zer Pinochet gwan, a gwaler miz me vezer et Pinochet han. Hag Pinochet ze bremañ vedeb de ve skorn de dientan, ba non eus in skorn evel zo ba karez, in eit de jardin, du jardin. Hag bon, pe oan yaou gwal bijek de Pinochet in, me bremañ gavant ne madoar. Hag bon pe ve grek kalz breiz, hag ase gant di bi Pinochet vo zikour de Economies breiz. A gant se la rand den dut di bi Pinochet. A ze zo mad vid a vugal e pe dur, me zang zo hou an barz, vel popeil de be de zariz. Bon, a la rand den dut na an rei Pinochet a vugal e. Bon, pli jaradin kom zvej nam zan de stiez eg evro, hag bon, kom ze me star deja de ze foar you oazo be ba plantel, ba bulad, ba tiriel. Babla dauvil dauzek, dauvil dau pelar in mat, de glaso oa be radlan set ba karez, voar karez, ur voar a oa be tchombe kouske pa tregond la pediz, hag voar ze vije hant vet goe gel voar kalon glan, goan. A plan me oa d'un tri a viz du, hag goe gel de houl se oa ive ur voar ba plij di an eil de ze viz du. Bon oaz kom sam de ze hiez e gevro, pu dur zo tombo kuden oa, pu dur kan un araï o zo hont de zi hont de labour ad war dach en yezeg hag bon ochet ka de mod oel vid ka de eubelien de se vo komz e d'orvegel. Bon, hant de gom de ze bouet an tam, pel zo ve gred lot ser am a breiz. Kal ze dut gwegel ve ar e mam goz ar e lot ser, da skouer pe de zul, de zibi gant un tam gant o ban ar kafe, pe tam an de pardon, a vi je gret l'autre se ron, l'autre ron da revel, ve get palet de se bremañ. A kal ze stal yo ezo breiz an eus rata pet ze, hag ra palet ou a zo brudet tre ur vro hag bro hal a mam eus lerel, bro Europa a war bed a bez. Hag bremañ e c'hed gwariz e un traouze, pe dur rendel, neus vorz pi a halfe ob ur palet breton pe galet breton, ma peus oan neus vorz pler war ar bed, velvegret. A cet uso gret d'or strola David kavout markou e ve komz eo deus IGP, se zo vid l'ar de vegret un dra ban ur vro beneket, herve ur mod d'ober hag zo resis ma peusoan. Hag on din deus reiste ar a zo deud deus reiste de labour a de breiz ar Marcel Courtaz ar a war drose, hag zo hor teliadou justement de vid vefe bet gret IGP ya ou vid de l'autre sir de ce breiz am. Hag labour a dra ive war pate vid d'abord IGP ma meus mot, zezo un tamm vel naose vid guin ma peusoan. Bon, vejenamzor gontandar de ze labour douar bio. Breizam, m'ave kont teut per departement, ka hendel zo mur roaz, met de ze per departement ne zo, war dro milwer kant firm bio. Hag ze zo ne war roaz, pu dur, bon, ze n'ara ke metre, me war dro per pe bem dre gant de zen douar. Me me mestra, un trou ya war rog tan matam, hag, bon, ba penor bed a ba ono d'ar vor, e ma meus mod, un dro de ber hand firm zo, ora bio, me mon ora un tamo, tam a tam war gwer. Hag firm yo bio, breiz zo tro un mur war a lez, hag war a legumaj. Bon, war dach en un dro, bremañ. Trouz a reuz zo bebred, ka itron varia l'an eia, l'air vo gred zuroar benefin un air borz neve tre c'haun a naunet med bon reuz o bopet hag der vo heuil na farzen de ze politike rez ne larin ke kalz dra da revejman neus ke gwal belzo oa bet kuzul an UDB hag azez o bekomz e kalz de zamz ur de zon breiz da skouer war dachen an endro war dachen kuzul ur anvro, puzur un UDB zo radet be gant un tukri boe mizvouen, a deus e politiker ez ur yez ou ebreiz, ur brezon eug ag ar galo. War dach en ur brezon eug juzma, de ur strolad pe ur rouedan ma peusoan di ou yez, ur a war dro ur brezon eug ba se skolioù laik, an eus lid di dregont vet de abla, ne vesso. Hag, ya, tregont lasso, blado oa perugn, oa bet gred gant Savary, hez oa ministre en diskadur eus gant Fanchmit, pe oa bet dilen eus Fanchmit, vel prezident de Borral, hag oa bet gred lizeur lezen gantan, gant Savary, de la rade oa circulaire vel velard gant ar vele stradur eus, hag lare oa moyen d'or klasou di uiezenk, gant galak de zon tu, hag ur yez rand vro, el evel an brezon ik de zon tu el. Hag, deja, vije gred, pembla rog wa bekrou et de diwan. Hag, wa l'er zin, wa l'er lizer lezen ze, wa be gred hlas di wiez ek ba zan riwal, a di se wa krog an tro, hag, bremañ zo ba strolad di wiez o war dro rwer mil bugel, o tiski brezon, hag. Hag gant diwan hag gant dihun, zera war dro trizeg mil vugale ezo o tiski brezondek, tamm pedam ba skolaj ou breiz. Ba skol you breiz a skolaj ou breiz, a liseya ou mamez. Evel juz ezo ne betre, pu dur pevejon je zo rwer kant mil bugel a tudio ang ba skol you breiz, med bon on tamm eme mestra. Hag me pez gav an spontus, evit de réel, reveget monolink de se, ne neus netra. Nemet on tam livaj brezon de ge ba skolioso de spen ar bet, me hendel neus man bet. Na bu na ba ve l'argent pierre. Hag vugal ez eur e monolink pad o amz ur skol, pad blavezio a blavezio e chomoun ba skol, ne glevon ke komz man bet deus o bro, deus un istor vro, de zo zevena dur benefin. Pe zo benefin un dru e vel just evit an ben. Vejo, pe jon jant baze non houlant pe diam de pe de du de vo kap de gomz un brezon ek ben kan l'arme. Pi ou gomz un brezon ek ben kan l'arme. Den ne war hanter kan, dou han, mil, pe mil deg mil en noir. Ze vo herve you le vrai tonnet, hag herve ur sturm vo gred evit ur yez. Kape so zur red vo sturm, ne ke de bolont te vard vo ro de guirio ou d'en vre tonnet. Mameus ma ve kanet bemde ou ar tout un tonio, e bro vrans, bro guirio mabden. Med ze ne ke guir evel just, re war un tom, deux histoires en Provence, voir un zéné que guir. Puis là, en histoire en Provence, il y avait juste des histoires guir en Provence. Pas une histoire au bête scrive quand tu devais Ernest Lavis, avec un scrive de Pesvelcred, une histoire de France, mais zézo, hanteur guir à hanteur gauve et l'arrêt. Or, plein de spuridant, mais y en a rien, hein. Hanteur guir, hanteur gauve, dit seulement tout le temps. Alice là, en zé, mais guir est bénéfique. Gouderet de bonne Franchbrouding de Hadban de ur studi no agrel ou arze ur brezon de xobi discar et gant pot gant Emile Combe Emile Combe ou a tientan ministre ben blavez ou tientan ou aler milno an aze ministre tientan ministre ya, de Hulsevel la président de Usul président du conseil personne pur il l'arre et wahiz mevel en diol. Voilà, n'est que fal vers Skuden. Hag, bon, his, zo behe, yon an kalz Jacobine, da, ne gred derre de war memez rout, ne vel just, war memez hent. Hag, Jacobine Gwen, Jacobine Ru, bon, mais rien so tout mesk, zo tout de dorn à dorn, evit distru jor vro, ne vel just. Hag, ba mesk politiker yon zo hud, une dé, oise, j'y au calzeré, elles ouvraient les villes, Emile Combe, à gazo presse de zistru, peptra, vegret, videur franc, qu'ils avaient d'envro. À deux heures, évèle juste, deux au, bantu clay, bantu rue, enfin, bantu clay, bantu rue, à bantu dérou, hendel, bah, reis, bantu du bel, ou à tout d'un tu, ou aux autres, jacobines disent, quoi. C'est une vorée de breton de Delren Sturm, crée, elle veut juste, hein, à gaze, zével trop, évite, vos casse ou arrogue en brison, le gaze vena du renvro. Mais, gouscoude, don de rayon orme, se révèle juste, hein, pévé combs de ze, de spice vos trames, ben corn l'âme, zo cal ze drau, de vos trames, pé vos échus, gander pétrole, pé vos que kirini, jijaltine, gander hérosène, pé vos dave d'adar et war, itron varia l'en meilleur. Kadahouls, ben, un nouveau que Kirinich de Ralupatin, à ma treizeaine voir à Gwelet, David war, war un dachenous, David Pézout, hein, pé mi war mi, pé tant, on, l'on ne de ce broyouel, la maillot, alpagaille, ou mi war mi, hein, bon, calzedra ou échant chaud, mais de, même strap et sausure, évidemment, warog, vos red derren, Ober, ni om hunan, n'en est que hot as de spar, ispe des lerel, te fait trop, évident. Bon, sais-tu, neube de zonjou, videmis du, chilaouern en erkabé, hag, mais n'est que zonjou du, tout, hein, hag, la randar kenavo, grey skull, tien norvégel. Déjà, Véry.